19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Englouti sous la puissance de Rome, mais surtout écrasé par l'omniprésence romaine, les Étrusques ne sont plus aujourd'hui sur le devant de la scène. Ils ont d'ailleurs disparu des manuels scolaires français comme italiens au cours du XXe siècle. Peut-être tout simplement parce que seule une bribe de leur propre histoire, de leur littérature, nous est parvenue. Ce soir, le magazine d'archéologie de France Culture réinvestit ce dossier étrusque pour mieux croiser leur origine, leur langue, la place de la famille, celle des femmes comme celle des découvertes et du pillage archéologique. Les Étrusques parlent à l'imagination et nous tenterons aussi de percevoir ce qu'évoquent les Étrusques dans les idéologies contemporaines avec Marie-Laurence Hack. Bonsoir. Bonsoir. Étruscologue, professeur à l'université Jules Verne de Picardie. Marie-Laurence Hack, ce que vous nous proposez au travers de votre dernier livre, À la découverte des Étrusques, aux éditions La Découverte, est plus que l'histoire et l'archéologie d'un peuple d'Italie, disparu au 1er siècle avant notre ère. Pour cela, je ferai mien des mots de Nicolas Veil, paru dans les pages du Monde, pour qui votre livre réhabilite un genre aussi littéraire qu'historiographique, trop délaissé, la description. Car la peinture des lieux, des tombes, des villes et des sites y tient la place principale, reléguant à l'arrière-plan le déroulé chronologique et le récit des événements. Marie-Laurence Hack, ouvrons donc ce dossier étrusque. Étudier les Étrusques, n'est-ce pas tout d'abord tenter d'échapper à Rome, à notre vision totalement romano-centrée? Alors, vous l'avez dit, il est difficile d'échapper à Rome parce que nous sommes marqués, influencés par les manuels scolaires qui nous ont formés depuis le 19e siècle, hein, depuis que l'école est obligatoire. Forcément, lorsqu'on étudie l'Antiquité à l'école, on étudie les Grecs et les Romains et l'Italie est forcément romaine. Et les Étrusques, on n'en parle quasiment pas. Et j'allais dire, on en parle de moins en moins. Hein. Les manuels depuis les années 80, que ce soit en France, en Italie ou en Allemagne, ne laissent quasiment pas de place aux Étrusques. Regardez les manuels de 6e, regardez le manuel de 2e, le mot étrusque est à peine mentionné. Alors, on comprend donc qu'on ait une vision romano-centrée de l'Italie avant le 1er siècle avant Jésus-Christ, entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle avant Jésus-Christ. L'Italie n'est pas romaine, hein. On dit souvent pré-romaine. En fait, elle est multiple. L'Italie, elle est pluriethnique. Il y a plein de peuples dont les noms sont quasiment inconnus de la plupart des gens. Si je vous dis Mars, si je vous dis Vestin, si je vous dis Samnite, si je vous dis Osque, si je vous dis Vénète, vous ne les connaissez pas, tous ces peuples. Alors qu'ils ont bien existé, on a des témoignages archéologiques de leur existence. Ils ont chacun eu leur propre histoire, leur propre dieu, leur propre langue, leur propre culture. Mais ils ont été, j'allais dire, écrasés, oubliés à cause de l'influence marquante de Rome. Vous parliez de l'école primaire, mais à l'université en France, il n'y a pas grand monde non plus. Ah non, à l'université, on est très peu hein, d'étruscologues. Alors, il y a quelques étruscologues encore en activité, hein, après des maîtres, je vais dire vénérables, hein, qu'ils m'excusent, hein, comme Jean-Paul Thuillier, comme Dominique Briquel, comme Jacques Orgon, hein, qui est décédé. Mais à l'université française, je dois dire que nous sommes très peu à être étruscologues. Je ne dis même pas enseigner l'étruscologie, puisque dans mon université, je n'enseigne même pas l'étruscologie, mais l'histoire romaine. Commençons donc par la fin des Étrusques. Après des heures de gloire, nous voici devant un processus d'assimilation irrémédiable, mais aussi forcé. Irrémédiable, je n'irai pas jusque-là. Irrémédiable, c'est une vision justement qui est imposée par cette conception romano-centrée de l'histoire. Évidemment, les Romains ont gagné, donc on pense hein, que cette victoire, elle est irrémédiable, parce qu'on connaît la fin. Mais cette victoire de Rome, cette romanisation de l'Italie, elle est faite de hasard, elle est faite de circonstances. Et en réalité, il est compliqué, à mon avis, d'opposer directement les Étrusques aux Romains. La situation n'était pas si claire que ça. En fait, certains Étrusques étaient alliés des Romains. C'est le cas, par exemple, des Étrusques de la cité de Cerveteri. Cerveteri s'est souvent fait preuve de secours, j'allais dire d'alliance à l'égard des Romains. Et les Romains, en échange, ont donné la citoyenneté romaine aux habitants de Cerveteri, hein, ce qu'on appelle la civitas sine suffragio, c'est-à-dire le droit de cité sans le droit de vote. Et ce qui est déjà pas mal et ce qui était considéré comme quelque chose de très positif. Hein, c'était considéré comme un privilège. Et puis, il y a d'autres cités qui ont fait appel aux Romains pour limiter les problèmes internes, les dissensions internes. C'est le cas pour la ville de Volsinii qui, en 264, a fait appel aux Romains parce que les aristocrates, le pouvoir des aristocrates était contesté par des couches sociales, on va dire serviles, c'est une façon élégante de parler des esclaves, et d'autres couches de la population dont le statut est intermédiaire. En tout cas, c'est peut-être quand même une sorte de long déclin avec une série de batailles qui est perdue. Je pense bien sûr à Cum, Syracuse au début, pour enfin être réintégré en 17 avant notre ère, l'ensemble de l'Étrurie au monde romain. Quoi qu'il en soit, rappelons toutefois que 3 rois étrusques ont régné sur Rome. Oui, alors ça c'est ce qui est encore enseigné dans les écoles, au collège, à l'université, c'est que il y a eu des rois étrusques à Rome. Donc je rappelle les noms, hein, Tarquin l'Ancien, Servius Tullius, Tarquin le Superbe. Si ces noms sont connus, c'est parce qu'on a des textes de Tite Live, de Denis d'Halicarnasse, hein, qui nous rappellent ces noms. Mais attention, je vous mets en garde, nous ne sommes pas sûrs, hein, que ces 3 rois étrusques aient réellement existé. En revanche, ce dont on est sûr, et ce que nous dit l'archéologie, hein, qui est vraiment une source d'information formidable, c'est qu'il y a bien eu une occupation de Rome par les Étrusques. On a des témoignages, on a des inscriptions étrusques, on a un urbanisme à l'étrusque, on a une muraille de type étrusque, on a des temples de type étrusque, hein, le temple de Fortuna par exemple, peut-être, hein, je vais peut-être un peu loin, mais c'est le sanctuaire de Sant'Omo Bono qui se trouve à Rome, près du Tibre, dans la boucle du Tibre. Et puis on a des égouts, la fameuse Cloaca Maxima, et on sait que les Étrusques étaient très forts pour construire, aménager des canaux, et donc il est possible, hein, que la Cloaca Maxima soit due aux Étrusques. Et puis on a peut-être aussi une organisation politique en classe sociale, hein, liée à la fortune et à la terre, la circonscription géographique, qui est dû aux Étrusques. Donc, on peut dire, oui, que Rome a été étrusque pendant une certaine période. Et puis, il y a un élément aussi qui est intéressant, c'est qu'on a une tombe étrusque qui s'appelle la tombe François, qui se trouve à Vulci, qui date du 4e siècle avant Jésus-Christ, où on a des fresques qui sont magnifiques, avec des couleurs magnifiques. On a sur un pan de mur des guerriers qui luttent, et on a un homme, notamment, les mains attachées, liées, dont on a le nom, puisqu'il y a aussi des inscriptions, et le nom de ce combattant est Mastarna. Or, Mastarna, c'est un nom qui est bien connu par la tradition, puisque Claude, l'empereur romain du milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, mentionne ce nom dans un discours, et on sait que Mastarna est le nom du roi Servius Tullius, roi étrusque de Rome. Donc, Rome a bien été étrusque pendant une certaine période. Existe-t-il une actualité de l'archéologie étruscologique? Que fouille-t-on actuellement? Que vient-on de mettre à jour? Alors, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, que ce soit en Italie ou en France. Alors, en Italie, je signale les fouilles de Pirgi qui sont menées par l'université de Rome, la Sapiens. Il y a encore eu des fouilles cet été qui viennent à peine, je crois, de se terminer. Elles ont été menées jusqu'en septembre. Et c'est une fouille d'un sanctuaire étrusque. Il y a encore plein de découvertes qui sont réalisées. Il y a eu des prospections encore ces dernières semaines à Vulci par des Allemands. Et puis en France, il faut le signaler, il y a un site étrusque qui a livré une nécropole en 2019. C'est le site d'Aleria sur la côte orientale de la Corse. Et là, les équipes de l'INRAP ont trouvé, alors, dans cette nécropole, une tombe étrusque, hein, du 4e siècle, avec un dromos imposant qui fait 6 mètres de longueur et du mobilier étrusque. Et donc, c'est une découverte intéressante. Et on peut dire, oui, qu'il y a une actualité étrusque. J'ajoute à cela, en plus des fouilles, que les salles étrusques du Louvre, hein, sont en train d'être réaménagées et qu'elles vont rouvrir en janvier prochain. La découverte d'une telle tombe en Corse, cela pose la question même du territoire des Étrusques, l'Étrurie, grosso modo la Toscane actuelle. Oui, alors, j'irai plus loin. Un peu plus. Oui, vous me limitez un peu. Hein. J'irai plus loin. Le territoire des Étrusques, foyer, j'allais dire le berceau des Étrusques, hein, c'est un peu plus que la Toscane. En fait, il faut aller du Tibre, qui passe donc à Rome, et remonter, aller jusqu'à l'Arno, qui passe à Florence. Et donc, on comprend à la fois le nord du Latium, la Toscane et une partie de l'Ombrie. Et donc, toute cette zone-là est le berceau des Étrusques. Mais, alors, les Étrusques ont été tellement puissants, notamment au 6e siècle, 5e siècle, hein, qu'ils sont allés aussi plus au nord. Ils sont allés jusqu'aux bouches du Pô, hein, dans la plaine padane. On peut dire qu'on a des traces de colonisation étrusque et de comptoir étrusque, notamment dans les villes d'Adria et de Spina. On a retrouvé là-bas du mobilier étrusque et des inscriptions étrusques. Oui, bien sûr. Les Étrusques, c'est bien sûr la mer Tyrrhénienne, qui est toute proche, hein, la mer Méditerranée, justement à côté de l'Étrurie. C'est aussi l'ensemble de la Méditerranée. Et ça va bien au-delà, ça va jusqu'en Gaule et autres, grâce à un commerce absolument hors norme. Alors, et autres, vous l'avez dit. Alors, c'est la Gaule, bien sûr, l'Espagne, et puis aussi les côtes de Tunisie. Hein. Les Étrusques étaient réputés pour être d'excellents commerçants. Et comme ils avaient un territoire très fertile, où on cultivait le blé, l'olivier, la vigne. Ils ont exporté leur production à l'extérieur, loin de chez eux, et notamment le vin. On a retrouvé dans des épaves au large de l'Italie. Alors, il y a par exemple près du Giglio, tout près de là où le navire de Costa Croisière a échoué, eh bien, il y a une épave où on a retrouvé des amphores étrusques. Il y en a aussi au large d'Antibes. Et dans ces cargaisons de ces navires, on a donc des amphores étrusques pleines de vin. Et le vin était échangé, exporté jusqu'en Gaule, où on l'échangeait contre d'autres produits. Et donc, en Gaule, au VIe siècle, on buvait du vin étrusque. Il faut dire aussi que nous voici devant une sorte de premier bassin industriel d'Europe, avec par exemple le port de Populonia. Exactement, c'est un point qui est... Une sorte de machine incroyable, les Étrusques. Ils vont produire des biens... Oui. On a souvent l'image des Étrusques comme de bons vivants qui profitent de la vie, mais sans produire. En fait, ils travaillent, hein, les Étrusques, c'est un point qu'on oublie souvent. Et il y a un endroit, vous l'avez dit, en Étrurie, on voit justement cette production étrusque, ce travail étrusque, c'est Populonia. Populonia, c'est un peu comme la Roure des Étrusques. C'est un endroit où on a trouvé des terrils qui font jusqu'à 7 mètres de hauteur, pleins de déchets ferreux. Pourquoi ? Parce que à l'île d'Elbe, qui est pas très loin, à 10 km de Populonia, on extrayait le minerai de fer sous forme d'hématite qu'on emmenait par bateau jusqu'à Populonia sur la côte tyrrhénienne. Et là, qu'est-ce qu'on faisait ? Eh bien, on extrayait le fer de ces hématites, hein, dans des fours et on réduisait justement ce fer, on le travaillait. Et donc, il y a une réelle production artisanale étrusque avec un art, hein, de travail du métal qui est particulier aux Étrusques. Il faut dire qu'ils ont profité aussi des ressources naturelles, puisque pour pouvoir travailler le fer, eh bien, il faut faire du feu et donc il y a des forêts voisines et donc ils ont profité du bois, il faut de l'eau. Et il y avait des sources d'eau tout proches. Et donc, en exploitant ces ressources naturelles, les Étrusques ont réussi justement à exporter aussi des statuettes, des statues de bronze, de fer. Ils ont perfectionné cet art du travail du métal. On le voit très bien dans le chaudron du prince de Lavaux, découvert il y a quelques années, donc à côté de Troyes, avec un chaudron absolument sublime qui est très probablement étrusque. Nos musées sont emplis d'objets étrusques, chaudrons, cistes, eunuques, esquifeuilles, preuve aussi du goût des antiquaires, mais aussi des princes, des pilleurs, les fameux tombaroli, comme des faussaires. Oui, alors les antiquités étrusques, les objets étrusques ont acquis une valeur assez considérable, hein, sur le marché. Très tôt. Alors dès la Renaissance, hein, les princes de Florence, les Médicis se sont intéressés aux antiquités étrusques. Alors pour des raisons politiques, hein, il s'agissait de légitimer leur pouvoir en se donnant des origines étrusques, en rappelant, hein, la puissance étrusque. Mais cette mode des objets étrusques a continué. Elle s'est beaucoup développée au 19e siècle. Il se trouve que certains en ont bien profité et les Français sont bien placés. Lucien Bonaparte. Oui, Lucien Bonaparte. Hein. Je dis que c'est un prince pilleur, je suis désolée, mais il est difficile de parler autrement, hein, puisque avec son épouse Alexandrine de Bléchamp, il s'était installé en Italie, près de Viterbe, sur le territoire de Canino. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Lucien Bonaparte était assez mal vu de son oncle, Napoléon Ier, parce que Napoléon Ier, en fait, voulait lui faire épouser la reine d'Étrurie, Louise de Bourbon, et il a refusé, il a donc épousé Alexandrine de Bléchamp, et tous les deux ont exploité leurs terres. Et qu'est-ce qu'il y avait dans leurs terres ? Eh bien, il y avait des tombes étrusques avec des vases grecs magnifiques, et donc ils ont mis en place une espèce d'entreprise archéologique, société privée d'archéologie, où ils ont embauché des ouvriers, jusqu'à 100 ouvriers, pour fouiller, pour laver ensuite, faire de ce qu'on appelle aujourd'hui du post-fouille, laver les vases, les reconstituer, les restaurer et surtout les vendre ensuite. Et ils ont exploité ce marché des antiquités qui se développait au 19e en lien avec l'émergence d'une nouvelle bourgeoisie. Et ils ont vendu et ils ont piller ces tombes étrusques pour essayer de compenser de leur dette, leur situation financière qui était désastreuse. Il y a bien sûr les tombes à reliques et puis les faussaires. Eh oui, les faussaires. Mais alors là, il faut faire des distinctions quand même parmi les faussaires. On a ce qu'on appelle les vrais faux, les faux vrais, et puis on a les objets qui sont un peu faux, un peu vrais. Alors, j'ai essayé de parler de ces différentes catégories en donnant des noms, je suis désolée. Alors, ceux qui font du un petit peu vrai, un petit peu faux, ce sont des orfèvres italiens d'une famille qui est bien connue, les Castellani, qui au 19e siècle ont restauré justement les objets étrusques qui provenaient de ces tombes étrusques qu'on était en train de fouiller et se sont spécialisés donc dans les bijoux étrusques. Donc ils ont restauré et puis ils ont aussi vendu comme étrusques des objets qui étaient un petit peu vrai, un petit peu faux. C'est-à-dire qu'ils ont gardé des objets étrusques, qu'ils ont transformés en s'inspirant des modèles étrusques. Et puis, il y a aussi des gens qui se sont fait un peu avoir, excusez-moi. Il y a un Italien qui s'appelle Alceo d'Ossena, au début du XXe siècle, qui, lui, a fabriqué des objets à l'étrusque, des statues à l'étrusque. Le malheur pour lui, c'est que ses clients, qui étaient ravis des objets qu'il avait faits, qui admiraient la qualité des statues, ont vendu ensuite les objets en les faisant passer pour des objets étrusques. Et c'est lui ensuite qui a eu des problèmes avec la police, puisque il est évidemment interdit de vendre des objets étrusques qui sont des faux. Et puis, il y a un autre cas, une troisième catégorie, qui sont les vrais faussaires, qui eux, vraiment n'ont aucun scrupule à le faire. Tout le monde connaît le sarcophage des époux du Louvre. On voit un époux et une épouse sur un lit de banquet et le mari a la main sur l'épaule de son épouse. Eh bien, un Italien, un restaurateur d'antiquités étrusques qui s'appelle Penelli, a fabriqué de toutes pièces un faux sarcophage des époux qu'il a réussi à vendre et le sarcophage a été exposé jusqu'en 1935 au British Museum. Au vu de notre connaissance fragmentaire des Étrusques, ceux-ci nous ont surtout légué leur nécropole avec un art funéraire d'exception, avec notamment Tarquinia, dans laquelle vous cheminez avec Marguerite Duras. Oui, Marguerite Duras a écrit un roman qui s'appelle « Les petits chevaux de Tarquinia ». En fait, il est peu question des Étrusques, je dois dire, dans le roman. Mais la référence étrusque est intéressante parce que, si vous vous souvenez de l'histoire du roman, ce sont des couples français qui sont en vacances en Italie l'été, qui s'ennuient, qui se disputent, qui boivent beaucoup d'alcool. Et à un moment, un personnage leur dit « Allez voir les petits chevaux de Tarquinia, vous ne serez pas déçus ». Enfin, je transforme un petit peu, mais c'est un peu le sens des propos. Et le couple en question va voir la tombe du baron à Tarquinia, où en effet il y a des chevaux. Et ces chevaux sont intéressants parce que c'est l'art archaïque étrusque, et l'accent n'est pas du tout mis. L'accent n'est pas du tout mis sur l'anatomie, par exemple, du cheval. Ce qui compte, c'est l'impression que donne le cheval en question. L'écrivain anglais Lawrence, quand il va voir justement cette tombe, raconte que c'est l'animalité, la chevalité du cheval qui compte. C'est l'impression qu'il donne qui est plus importante. Et c'est cette impression de vie, justement, qui compte et qu'on a lorsqu'on visite les tombes étrusques. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Marie-Laurence Hack, tenter de caractériser les Étrusques n'est pas simple. Prenons par exemple leur langue. On dit qu'elle ne serait pas d'origine indo-européenne ? Alors, même si les indo-européens sont remis en cause. Oui, je n'entrerai pas dans ce débat, il nous faudrait une émission entière. Alors, ce qu'on peut dire sur la langue, c'est qu'en effet, ce n'est pas une langue indo-européenne. Il s'agit d'une langue agglutinante qui est un isolat dans l'Italie pré-romaine, si je fais appel à cette vision romano-centrée. Il se trouve que tous les autres peuples d'Italie que nous connaissons ont des langues indo-européennes, que ce soit le vénète par exemple, l'osc ou d'autres langues. Là, c'est une particularité, ce qui rend évidemment la compréhension de l'étrusque un peu difficile. Je dis un peu difficile, puisqu'en réalité, la difficulté n'est pas si grande. Pourquoi ? Parce que l'étrusque est écrit en grec, parce que je différencie la langue et l'écriture. La langue n'est pas indo-européenne, mais l'écriture utilisée pour la transcrire, elle, est grecque. C'est un alphabet grec archaïque qui se comprend parfaitement, il n'y a aucun problème. Et puis, on arrive à lire les inscriptions qui sont courtes. Or, on a plein de textes courts, d'inscriptions courtes. On en a quasiment 15 000. Et on arrive à lire la plupart de ces inscriptions par une méthode combinatoire, c'est-à-dire qu'on prend plusieurs inscriptions et on arrive à repérer où est le prénom, le nom de famille d'un individu, voire son âge, voire sa fonction. La difficulté commence pour les textes longs. Or, il se trouve quand même qu'on en a quelques-uns des textes longs. Et je pense en particulier à la table de Corton qui a été retrouvée dans les années 90. 1992, dans une décharge. Oui, c'est un charpentier qui a retrouvé cette inscription qui compte plus de 200 mots. Mais comme ce n'est pas une inscription funéraire courte comme on en attend, alors les difficultés, oui, sont grandes. Et les savants ne sont pas totalement d'accord sur le sens de cette inscription. Il est difficile, et je pense que vous ne me contredirez pas, de cerner la vision de la famille étrusque, tout simplement parce que cette conception de la famille étrusque est originale. Oui, la conception de la famille étrusque est originale, même s'il y a beaucoup de points communs avec d'autres civilisations antiques. Je pense par exemple à la famille romaine, mais la famille romaine doit beaucoup aux étrusques. La différence essentielle, c'est que, et je vais prendre des choses qu'on connaît bien, c'est que la famille romaine est centrée autour du pater familias. C'est la figure masculine qui est le pilier de la famille. Chez les étrusques, c'est un petit peu différent dans la mesure où nos représentations de la famille sont liées au couple. C'est le couple qui est le noyau central de la famille. Alors, à partir de ça, bien sûr, on a aussi les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins. Et puis, on a aussi un élément qu'on retrouve chez les Romains, qui sont les clients, tous ceux qui dépendent justement du couple et du chef de famille. Mais la place de la femme et la place du couple est évidemment un élément central qui ne correspond pas à ce qu'on a ni chez les Grecs, ni chez les Romains. Alors, le couple chez les Étrusques, il est représenté dans une attitude affectueuse, au-delà de la mort, un motif visiblement rarissime dans l'Antiquité. Oui, il est rare que les époux soient présentés ensemble, que ce soit dans le monde grec, dans le monde romain. Bien sûr, on en trouve, mais ce n'est pas très fréquent. Et surtout, il est peu fréquent qu'on trouve des gestes d'affection entre époux. Or, dans le monde étrusque, on en a beaucoup. Les fresques qu'on a sur les tombes montrent des scènes de banquet où un homme et une femme sont assis sur le même lit et ont des gestes d'attention, voire d'affection l'un pour l'autre. Vous avez une femme qui tend à son époux un fruit, vous avez une femme qui tend à son époux un œuf, par exemple, et puis vous avez le mari qui a la main sur l'épaule de son épouse, et plus encore, sur des urnes étrusques du 2e au 1er siècle avant Jésus-Christ, on a des époux qui se regardent les yeux dans les yeux, qui se tiennent la main. Et on a même une urne de Pérouse du 1er siècle avant, fin 2e siècle, début du 1er siècle avant Jésus-Christ, et où on a un homme et une femme qui s'embrassent. Un couple légitime, bien sûr. Marie-Laure Ansac, connaissez-vous Tanaquil ? Oui, je connais Tanaquil, mais beaucoup de nos auditeurs connaissent aussi sûrement Tanaquil, puisque Tanaquil est bien présente chez Tite-Live, Denis d'Aïcarnas notamment. Elle est connue pour être l'épouse de Tarquin l'Ancien. Tanaquil, c'est la figure de la femme étrusque par excellence. Elle symbolise cette image, ce cliché traditionnel attaché aux femmes étrusques, c'est une femme de pouvoir. C'est elle qui pousse son mari, Tarquin l'Ancien, à quitter la ville de Tarquinia pour aller à Rome prendre le pouvoir. Et c'est elle qui pousse son gendre, Servius Tullius, à prendre le pouvoir une fois que son mari est mort. Donc on a là l'image de la femme forte, l'image de la femme puissante, l'image de la femme étrusque. Tanaquil incarne la femme étrusque et devient célèbre sous le fascisme et le nazisme. Commençons par Alfred Rosenberg, un des plus sinistres archéologues du Second Reich, théoricien du nazisme et proche de Himmler. Que pense-t-il ? Alors, sinistre personnage, vous l'avez dit, oui, qui reprend des clichés hein, sur Tanaquil. En fait, ce que fait Rosenberg dans son Mythe du XXe siècle, hein, publié en 1930, c'est qu'il reprend alors un cliché qu'on doit à quelqu'un de plus ancien qui a écrit en 1870 la légende de Tanaquil, qui s'appelle Johann Jakob Barofen, qui est un balois, qui a écrit ce gros ouvrage en allemand, où il fait de Tanaquil l'incarnation... J'allais dire de la prostituée, de l'étahir, de la femme libre, émancipée, libre de ses gestes, libre avec son corps. Alors, autant chez Barofen, c'était positif, c'était l'image du matriarcat, mais comme justement hein, une forme de liberté, de puissance féminine positive. Autant avec Rosenberg, c'est tout l'inverse qui se produit, puisque Tanaquil devient le symbole justement de l'indécence féminine et surtout le symbole de l'indécence orientale. Hein, pour lui, les Étrusques sont des orientaux et donc Tanaquil est une orientale, c'est l'image de la prostituée orientale. Alors là arrive le problème de l'origine des Étrusques et c'est capital. Alors, c'est capital et ça ne l'est plus, excusez-moi. Ça a été capital pendant longtemps. Alors, ça remonte, quand je dis longtemps, ça remonte à Hérodote, hein, puisque Hérodote, le fameux, le grand historien grec, a écrit tout un passage sur l'origine des Étrusques et il nous dit que les Étrusques sont d'origine orientale. Enfin, orientale. Ils viennent de Lydie, hein, c'est-à-dire une partie de la Turquie. Et ils auraient émigré jusqu'en Italie, poussés par la faim. Ça, c'est la version que nous donne Hérodote. Mais dès l'Antiquité, il y avait débat sur l'origine des Étrusques et Denis d'Halicarnasse, historien de langue grecque, mais du 1er siècle avant Jésus-Christ, lui dit, nous, que non, les Étrusques ne sont pas du tout orientaux, mais ce sont des autochtones. Ce sont des gens d'Italie. Pourquoi le fait-il ? Parce qu'en fait, il les oppose aux Romains, qui pour lui seraient des Grecs. Et comme il est grec, voilà, et qu'il est favorable au régime romain, les Romains sont forcément des Grecs. Que sait-on aujourd'hui ? Et que sait-on aujourd'hui ? Eh bien, on ne se pose plus la question de cette façon-là. L'origine des peuples n'est plus une question qui se pose en ces termes. Il n'y a pas une origine, il y a de multiples origines. Si je vous demande quelle est l'origine des Français, vous aurez du mal à me répondre. Eh bien, c'est la même chose pour les Étrusques. Quelle est leur origine ? C'est pas une question qui se pose en ces termes-là. On sait que ce qu'on appelle l'ethnogénèse, c'est-à-dire que l'identité d'un peuple se forme petit à petit, progressivement, et autour de caractères qui ne sont pas forcément génétiques, mais culturels, linguistiques, culturels au sens large, je dirais. À l'époque fasciste, où l'on parle de race à défaut d'ethnicité, côté fasciste italien, Giulio Cesare Evola, dit Julius Evola, philosophe réactionnaire, reprend tout cela et fait des Étrusques une civilisation féminine, celle des Romains une civilisation masculine. Oui, très réactionnaire, hein, vous l'avez dit, Evola. Oui, en fait, il fait des Romains une civilisation masculine et des Étrusques une civilisation féminine. Mais tout cela pour montrer qu'en fait, ce qui compte, ce qu'il faut avoir, ce sont des valeurs martiales, viriles, masculines. Et donc, il justifie l'oppression des Romains sur les Étrusques de cette façon. Hein, les Romains seraient une civilisation solaire, tandis que les Étrusques seraient une civilisation lunaire. Et lui aussi reprend des clichés qu'on trouve chez Rosenberg et aussi une image qu'on trouve chez Barofen, comme je l'ai dit. Et donc, il faut mettre en valeur cette civilisation romaine pour essayer, dans son esprit, d'instaurer aussi, à son époque, une civilisation virile et martiale. Marie-Laurence Hack, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, « À la découverte des Étrusques », qui vient de paraître aux éditions La Découverte. Carbone 14 a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Philippe Mercher, et bien sûr, avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.